dire, c'est mes sémissés, yo. Depuis le lycée, yo, bras il fallait s'y glisser avec les yeux plissés, yo. Ne pas laisser passer les tasses, les cracher les places au fond de la classe, on le sait, c'est prévu pour pioncer. Je mets les méditer mes phases, imiter les sages pour dire aux hommes, ils n'osent. Lisez, lisez entre les pages, j'encrène les marges. Le savoir est une âme, je suis un barge, je vais l'utiliser. Pire ou pire, je te tire dessus. Pire, je rime sur cette démocratie où la raison du peuple n'existe plus. C'est trop facile de dire que le peuple ne décide plus. Je veux le pouvoir, pas le donner. Donc voter ne m'excite plus. Yeah. Y a tellement peu de BPM, je pourrais kicker des consonnes, elles parleraient d'elles-mêmes, je te promets, ça choquerait personne. Je ferais des et puis des gros prrr. Je suis un lion, pas un chat. Si tu me waf, moi je te grrr. Je suis qu'un no-name honnête, mal son phonème au maître et en miettes, je kick des sons. No problem. Good bus, by the way.